Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange, et oui, nous sommes ici en direct des rendez-vous de l'histoire à Blois. Émission spéciale en direct et en public des 20e rendez-vous de l'histoire à Blois, donc des rendez-vous qui se déclinent cette année sur le thème Eureka. Inventer, découvrir, innover. Eureka, c'est bien sûr le cri d'Archimède, l'interjection par excellence de l'inventeur qui vient de faire une découverte du paradigme scientifique qui se transforme de la révolution en cours. Mais aujourd'hui, quoi de plus galvaudé finalement que le concept de révolution scientifique utilisé à tout bout de champ pour décrire telle ou telle progression technique jugée révolutionnaire? La notion de révolution scientifique a-t-elle encore un sens copernicien de rupture paradigmatique? Et l'histoire des sciences est-elle celle d'un continuum ou d'une succession de crises? Science, il était une fois la révolution, c'est le problème que nous nous proposons d'examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner scrupuleusement ces notions donc de discontinuité et de rupture épistémologique, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc en direct et en public de la bibliothèque Abbé Grégoire à Blois, Michel Blais, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et historien des sciences, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur de critiques de l'histoire des sciences, c'est aux éditions, au CNRS éditions. Nous avons également le plaisir d'accueillir Alexandre Moati, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des sciences, chercheur associé donc en histoire des sciences au laboratoire Sphère de l'université Paris Diderot et ingénieur en chef des mines. Vous pouvez suivre cette émission eh bien ici en direct et en public de Blois, sur les ondes et également sur le fil Twitter comme chaque jour de l'émission, en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors c'est intéressant, messieurs, cette légende du Eureka d'Archimède, puisqu'elle raconte précisément l'histoire d'une rupture, une pensée, un éclair de génie qui vient faire basculer la connaissance scientifique d'un paradigme à l'autre. Est-ce que c'est le premier Eureka révolutionnaire, Michel Blais? Ah, je ne sais pas ce qu'est un Eureka révolutionnaire, et d'autre part, je n'étais pas auprès d'Archimède à ce moment-là, donc je ne sais pas ce que ça a vraiment révolutionné. Je crois que ça n'a rien révolutionné du tout, sauf l'idée qu'on s'en fait maintenant. Je peux développer un peu sur révolution plus tard, on va y venir, c'est comme vous voulez. Non, je veux pas. C'était un petit mot d'introduction sur Eureka. Alexandre Moati, ce cri Eureka, est-ce que c'est le cri de la révolution en cours, en marche? Bah, je dirais de toute façon que la vérité est au milieu, c'est-à-dire qu'à la fois, on peut considérer que c'est une succession de révolutions, on peut avoir une position plus relativiste, disant que tout est continu. J'aurai les deux à la fois dans cette émission. Donc voilà. Eh bien, c'est ce que nous allons détailler. Mais avant ça, je voulais proposer d'écouter d'un montage sonore justement autour de cette question de révolution scientifique. Galilée a tout de même fait bouger une chose énorme par rapport à la science et à son époque. Et on en a très peu parlé, à vrai dire. En 1610... Pour nous, c'est l'année de l'assassinat d'Henri IV. C'est tout de même l'année où il a dit, en effet, la Terre tourne. Les découvertes de Galilée sont des découvertes toutes simples. Bien sûr, logiquement, nous sommes tous en mesure de faire des découvertes journalières, comme Galilée en a fait avec deux petites lentilles. Il a confirmé les découvertes de Copernic. Il a vu, lui, ce que Copernic avait simplement pressenti. Le voici, l'ouvrage de Charles Darwin qui va bouleverser les idées reçues sur l'origine des espèces. Alors précisons que Darwin est d'accord avec Lamarck sur le fait que les espèces se transforment au fil du temps, mais il n'est pas du tout d'accord avec lui sur les raisons de cette évolution. L'Institut Pasteur n'était plus seulement un rêve. Dès la clôture de la séance, l'Académie lance une souscription internationale pour le financement de l'Institut. C'est un raz-de-marée. Des plus grandes fortunes aux familles les plus humbles, le monde entier répond à l'appel de Pasteur. L'espoir qu'il a fait naître n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, les hommes croient avec lui qu'ils peuvent vaincre la maladie. Ce monde qui trottine ignore qu'on est déjà sur le point de découvrir l'énergie nucléaire. en 50 ans de recherche tous azimuts, la physique va bouleverser les données scientifiques de l'époque et des années à venir. Mais dans la rue, rien ne permet d'imaginer les prémices de cette révolution scientifique qui rapidement va trouver sa consécration dans l'industrie, l'économie et aussi, hélas, dans les armées de l'humanité grandissante. Comment les télescopes ont-ils réussi à révéler une si grande partie de notre cosmos jusqu'à atteindre ses extrémités? Une petite révolution voit le jour au début des années 1900. Un tout nouveau télescope est en construction. Il changera à jamais notre perception de l'univers. Il repoussera les limites du cosmos et nous embarquera dans un voyage de découverte dont nous ne sommes toujours pas revenus. L'informatique est appelée à apporter de profondes transformations dans notre organisation économique et sociale. Ce ne doit pas être une révolution qui se subisse, mais une évolution qui se prépare. Gardons-nous de faire grief à la science des difficultés où elle nous mettra, écrivait quelque part Jean Rostand. Il pensait à toutes les révolutions techniques auxquelles il avait assisté ou participé, par exemple les techniques biologiques ou chirurgicales, qui pourront un jour transformer l'homme à volonté. Mais c'est aussi séduisant que redoutable. Nous sommes à la veille d'une immense révolution technologique, économique, mais aussi philosophique, liée à ce qu'on appelle les technologies NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies qui permettent d'agir sur la matière à l'échelle du milliardième de mètre et de faire des micro-machines permettant de modifier le vivant, les biotechnologies et notamment la génétique avec l'effondrement du coût du séquençage ADN et notre capacité à modifier nos chromosomes, I, l'informatique, et puis C, la cognitique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la robotique et puis les sciences du cerveau. Et nous allons effectivement vers une neuro-révolution parce que nous allons pouvoir comprendre, lire et modifier notre fonctionnement cérébral dans les décennies qui viennent. C'est un peu la baguette magique qui permet à l'humanité de modifier ses propres gènes à volonté. Et c'est, David, absolument vertigineux. L'espoir, guérir les maladies génétiques de ces corps humains, le cancer, le sida, Alzheimer, rendre les humains finalement plus forts, plus résistants, rallonger la vie, rien que ça. CRISPR agit sur cet ADN. Ce sont en fait des sortes de ciseaux ultra précis qui permettent de couper l'ADN quick, là où on le souhaite. Voilà ce montage sonore réalisé par Antoine Beauchamp autour de cette notion de révolution scientifique. On entend beaucoup de choses à l'intérieur de ce montage. Galilée, Darwin, Pasteur, le nucléaire, les ciseaux génétiques CRISPR-Cas9. Et je le disais en introduction, cette notion de révolution scientifique est devenue un topos. On emploie à tout bout de champ, tant pour faire référence à l'histoire des sciences que pour qualifier la modernité, qu'il s'agisse de l'ingénierie génétique, de la révolution numérique. Bref, Michel Blais, si la révolution est permanente, est-ce encore la révolution ? Moi, je pense que poser le problème en termes de révolution scientifique, c'est le mal posé. C'est-à-dire que c'est pas cela qu'il faut... D'abord parce que la révolution scientifique, conservons ce terme pour la période copernicienne, on sait pas quand ça commence, on sait pas quand ça finit. Alors c'est déjà embêtant. En plus, quand on parle de révolution scientifique, vous avez vu dans le discours, tout est mélangé. Il y a de la science, il y a de la technique, il y a du savoir, il y a tout. Dès qu'il se passe quelque chose, il y a une révolution. Alors je pense que c'est un mauvais terme, d'autant que le mot révolution, je sais pas ce qu'il a à voir avec cela, puisque une révolution, je connais la révolution des orbes célestes, on revient au point de départ, c'est pas ce que Eureka voulait dire, ou alors c'est une révolution politique, mais alors on est encore dans un autre champ. Alors, ma position, moi, est assez différente, c'est-à-dire que, et je donnerai un exemple. Ce que je pense, c'est que ce n'est pas en termes de révolution scientifique qu'il faut penser, mais en termes de transformation de l'idée de nature. L'idée de la nature que l'on se fait, se transforme. Mais là, elle se transforme vraiment radicalement. C'est-à-dire que l'idée que se faisaient les Grecs de la nature n'est pas l'idée exacte que l'on se faisait à l'époque médiévale, et ce n'est pas l'idée que l'on se fait avec Galilée. Ce sont des idées de nature différentes. Cela étant, l'idée que l'on se fait avec Galilée, et l'idée de nature est toujours à peu près la même que la nôtre, mis à part le 19e siècle. Donc c'est l'idée de nature. Il y a une transformation. La nature chez les anciens, faut pas croire que c'est la même chose que nous. Ils ne pensent pas du tout la nature comme en termes de machines, de mécanismes, de choses comme ça. Ça n'a rien à voir. La nature a une dynamique inhérente à elle-même et elle se situe dans le devenir. Et puisqu'elle se situe dans le devenir, elle n'est pas mathématisable. Donc quand Archimède pousse le cri Eureka, ce n'est pas le même cri Eureka que celui que pousserait aujourd'hui un physicien. Car aujourd'hui, un physicien, quand il pousse le cri Eureka, il pense à la nature en elle-même dans son fonctionnement mécanique. Archimède, lui, pensait bien au contraire à une machine qu'il allait mettre en place. Et ce n'est pas du tout la même chose. Je vais faire, pour la révolution copernicienne, Je vais donner la parole à Alexandre Moati. On va reparler de la révolution copernicienne tout à l'heure. Sur cette, vous êtes d'accord avec Michel Blais pour dire que aujourd'hui le terme révolution scientifique finalement s'est vidé de son sens, n'a plus de sens a priori ou à proprement parler. Disons que je prendrai un petit peu le contre-pied du coup. Bien sûr. Débat. Donc je vais défendre un peu ma position, comme quoi il y a des révolutions scientifiques, mais je la tempérerai par la suite. On peut songer bien évidemment aux révolutions des théories physiques, et nous y reviendrons, je pense, à partir de l'électromagnétisme de Maxwell 1865, qui donne naissance à la relativité 1905, et par ailleurs la révolution, on oublie souvent aussi, de la physique statistique, tout ça dans un monde germanique, la France restant relativement absente, donc on peut penser à tout ce moment-là, et par ailleurs on peut penser aussi, c'est difficile de parler révolution scientifique, pour moi, je pense immédiatement à quelqu'un qu'on a un peu oublié, qui est Gaston Bachelard, on en reparlera, je pense, qui voyait vraiment, lui, qui a fait deux ouvrages autour des révolutions scientifiques. Et encore une fois, je défends un peu, je prends votre contre-pied, c'est-à-dire vous appelez ça le rapport à la nature, c'est peut-être une autre façon non, de nommer les le choses. L'idée qu'on se fait de la nature. Bachelard nomme avec deux de ses ouvrages, je les mentionne, c'était un homme de radio par ailleurs sur France Culture, vous trouvez des vidéos, des audios en tout cas de Bachelard qui sont tout à fait intéressantes. Et donc il nomme, je les mentionne simplement, donc le nouvel esprit scientifique qui est celui du 20e siècle avec la physique quantique notamment, et sur lequel j'ai peut-être un peu plus travaillé, la formation de l'esprit scientifique, et ça c'est tout à fait intéressant, donc c'est, il estime qu'avant Lavoisier et la formation de la chimie au fin du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on peut appeler, ce que Darnton appelle une bohème littéraire, qu'on peut appeler une bohème scientifique. Et donc, lui, Bachelard, appelle ça la formation de l'esprit scientifique. Avant, c'est le pré-scientifique, et lui, appelle ça, avec Lavoisier, la formation de l'esprit scientifique. Et je pense que lui, il voit ça comme des ruptures épistémologiques. C'est peut-être un terme qu'il a beaucoup forcé, mais qui a sa part de réalité quand même. Alors, on reviendra sur ces différents moments que vous évoquez, et pour examiner en quelle mesure on peut effectivement voir là des ruptures paradigmatiques ou des ruptures épistémologiques, pour reprendre l'expression de Bachelard, peut-être pour essayer de vous réconcilier autour d'une autre notion, pour sortir de la notion de révolution scientifique, peut-on interroger ensemble la notion de continuité ou de discontinuité de l'histoire des sciences ? C'est-à-dire, est-ce que lorsque sont émises des hypothèses ou des théories où sont postulées des découvertes, bref, qui vont à un moment donné faire basculer donc tout un ensemble de connaissances d'un paradigme à un autre. Est-ce qu'on est dans une forme de continuum qui s'étale sur du longtemps, qui est tributaire de ce qui venait avant et qui va modifier ce qui venait après ? Ou est-ce que vous avez le sentiment l'un l'autre qu'on est au contraire plutôt dans une perspective discontinuiste, Michel Blais ? Mais le problème est compliqué, extrêmement compliqué, parce que à partir du moment où vous posez le terme d'histoire des sciences, qu'est-ce que vous englobez là-dedans ? C'est-à-dire à partir de quand ça commence ? Hein ? À partir de quand ? En général, on fait commencer à partir des Grecs. Hein ? On est bien d'accord, à partir des Grecs. Mais les Grecs, la science des Grecs n'a absolument rien à voir avec la science médiévale, ni rien à voir avec la science du XVIIe et du XVIIIe. Strictement rien à voir. Alors, la continuité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est continué si on pense qu'il y a des choses que nous faisons et qui étaient chez les autres. Mais les autres, ils faisaient autre chose avec ce que nous pensons qu'ils faisaient. C'est-à-dire que l'on croit toujours qu'on est un aboutissement, alors qu'on n'est pas un aboutissement, on est une cohérence. Je vais faire Copernic pour montrer comment ça marche. Alors, je ferai simplement une remarque sur Bachelard. Bachelard que j'aime bien, mais ce pauvre Bachelard aurait dû faire un peu d'histoire des sciences du XVIIe et du XVIIIe. Il aurait dû lire les Principia de Newton, il aurait dû lire d'Alembert, et il aurait compris qu'il n'était... Et Hamilton Jacobi, il a compris à ce moment-là que ce n'est pas du tout les débuts de la science, c'est la constitution même de ce qu'on appelle aujourd'hui la science et la mécanique rationnelle. Et je trouve que sa volonté toujours de dire que ça commence au XXe siècle, c'est exaspérant. Voilà. Alors Alexandre Moatti, oui. Non pas sur l'exaspération non, que non, suscite non, Bachelard chez lui, sur le continuum. Oui. Je la vois plutôt alors, pas entre les époques, j'y répondrai un peu différemment, sur quand une nouvelle théorie scientifique arrive, et on peut quand même parler de ça, c'est le continuum, comment est-elle reçue dans le monde scientifique notamment. Et là, c'est vrai qu'il y a une espèce, on peut qualifier d'un effet de biseau, alors appelons ça un continuum, c'est ça à quoi votre image me faisait penser, un continuum au sens où il y a un certain nombre de personnes qui continuent à défendre l'ancienne théorie, hein. C'est particulièrement vrai par exemple sur la réception de la théorie de la relativité entre 1905 et 1925, et puis petit à petit de plus en plus de gens, de scientifiques qui épousent les nouvelles théories, ce qui fait dire à Planck d'ailleurs que une nouvelle théorie scientifique, elle prend son essor quand la génération qui a été formée à l'ancienne disparaît, quoi. Et donc c'est plus ce continuum que je vois là, c'est-à-dire comment on passe d'un paradigme, on peut contester ce terme bien évidemment, mais je joue le jeu de dire qu'il y a eu des paradigmes qui changent. Donc c'est quand ça passe de l'une à l'autre, et là il y a un continuum. Et ça, je crois que ça fait partie aussi de l'histoire des sciences que d'étudier l'histoire de la réception de ces idées, comment elle passe dans le corps scientifique, voire après dans le grand public. C'est-à-dire que vous rejoignez, vous êtes assez d'accord finalement, vous avez cité Bachelard, on pourrait citer deux autres personnes qui ont réfléchi justement à ces notions de révolution scientifique et de basculement épistémologique ou paradigmatique. Alexandre Coiré, Thomas Kuhn. Thomas Kuhn propose une structure très cyclique que vous décrivez un peu, c'est-à-dire une phase pré-paradigmatique où on commence à se rendre compte qu'on avance des théories qui commencent à bouleverser la doxa scientifique établie, puis une phase de structuration autour d'un nouveau paradigme, la phase paradigmatique une fois que la communauté scientifique est structurée, ce que vous venez de décrire, l'apparition de nouvelles anomalies, la phase de crise, puis la réponse à la crise avec l'apparition d'une nouvelle phase pré-paradigmatique et ainsi de suite. Vous êtes d'accord avec cette espèce de compartimentation ou de description un peu à la manière d'une suite ou d'une succession d'événements Oui, alors je suis pas philosophe des sciences et par ailleurs je me méfie un peu parfois des grands systèmes comme ça qui servent à explicatif pour tout, mais c'est un peu ce phénomène, enfin ayant étudié la réception d'une théorie, c'est exactement cela qu'on peut décrire, hein, et donc sans forcément aller jusqu'au bout de ce que dit Kuhn, c'est-à-dire de plaquer à chaque fois le même schéma interprétatif sur chaque révolution scientifique entre guillemets, pardon. Kuhn, Michel Blais, ça vous intéresse pas tellement? Non, si, ça m'intéresse parce que l'idée de paradigme est rejoint un peu mon idée d'idée de la nature. Il y a quelque chose de commun avec ça. Là-dessus, je trouve qu'il est trop mécanique. C'est-à-dire que c'est un peu toujours la même chose qui revient. Ce que vient de dire Jean-Motti, c'est toujours la même chose qui revient. Et là, je trouve ça un peu mécanique. C'est-à-dire, et ça se passe pas vraiment comme ça. Mais on peut imaginer que lui, il force les trucs pour que ça se passe comme ça. Mm-hmm. Mais ça se passe pas vraiment comme ça. Si on examine, alors on va dire... C'est toujours plus fin, c'est toujours plus subtil. Et les motivations, effectivement, une théorie aboutit quand tous ceux qui la soutenaient sont morts, comme disait Planck. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas très bien pourquoi elle arrive. C'est ça qui est plus compliqué. Quand on est à partir du 17e, 18e, on est à l'intérieur d'un certain champ de travail qui s'appelle la physique mathématique. Et là, bon, la machine roule, les mathématiques roulent, tout roule. Et on va dire là, ah bah oui, ça. Mais avant, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi cette physique mathématique est arrivée? C'est ça le vrai problème. Pourquoi nous sommes là-dedans, nous? Ça allait pas de soi. Les gens ont vécu très longtemps sans ça. Et d'autres vivent toujours très longtemps sans ça. Donc ça, c'est pas une nécessité. Si on examine, on va dire les 3-4 grands changements paradigmatiques dans l'histoire des sciences, c'est-à-dire Copernic, Galilée, Lavoisier, la chimie physique du 18e, Darwin, l'évolution, et Einstein, la relativité générale, la mécanique quantique. Est-ce que déjà on peut tomber d'accord pour poser ces 4 moments de basculement épistémologique ou pas? Michel Blais. Écoutez, je pense qu'on peut les poser, mais ils ne sont pas au même niveau. Voilà. Oui, tout à fait, oui. Mmh. Ils sont pas au même niveau. Oui, on peut en trouver d'autres plus mineurs aussi. Et c'est en ce sens que ça devient quelque chose de bizarre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères pour définir ce qu'on va appeler révolution scientifique. Quelqu'un dans son labo va trouver un petit truc, il va dire « Ah, c'est une révolution scientifique ». C'est le Eureka. Bah, c'est un petit truc, le Eureka. Mais c'est une révolution. Alors qu'il y en a d'autres qui sont éminemment importantes, puisqu'elles changent radicalement notre conception du monde. Donc là, on est dans des champs différents. On peut en citer une autre, oui, sur laquelle sûr. Vous avez travaillé d'ailleurs. C'est la révolution scientifique, ce que l'historien britannique Grattan Guinness a appelé celle des ingénieurs savants en France au début du 19e siècle. Mm-hmm. Qui ça suit la révolution industrielle, la première révolution industrielle de la machine de Watt, et c'est la théorisation d'une industrie, en fait. La science suit la technique dans ce cas-là, contrairement à ce qu'on peut penser. Par exemple, la thermodynamique de Sadi Carnot puis de Clausius vient formaliser ce qu'est le fonctionnement de la machine de Watt. Donc on voit aussi des révolutions qui ont, alors peut-être dans un autre regard, peut-être plus sur nos sociétés, sur la politique, l'industrie, qui ont peut-être aussi au moins autant d'importance, même si elles sont moins, kuhniennes, au sens, c'est pas forcément des changements de paradigme, mais elles ont aussi leur importance. Il y a un autre historien qui, lui, plaide plutôt pour une théorie de la continuité, du continuum, Gérard Jorland, qui souligne qu'il faut toujours penser une révolution non pas en termes de mutation soudaine, malgré l'autorité de Bachelard, mais de transformation progressive. Il dit la seconde erreur consiste à concevoir une révolution comme une rupture radicale qui fait table rase de l'ancien état des choses. Ce n'est pas parce que la science nouvelle fut anti-aristotélicienne qu'elle a jeté le discrédit sur toute la philosophie péripatéticienne. Finalement, vous ne dites pas non plus totalement l'inverse de ça, Alexandre Moretti. Oui, je vous dis, j'essaie d'avoir une position un peu balancée. Donc, en effet, je vous l'ai dit, la vérité est au milieu et tout se construit sur l'existant aussi. Et c'était ce qu'on disait tout à l'heure sur le biseau. Petit à petit, les scientifiques plus jeunes acceptent le nouveau paradigme. Donc, c'est difficile de trancher sur un tel sujet, ça c'est certain. Michel Blais, sur... Non, ce que je voudrais revenir là sur la révolution copernicienne. Alors, allez-y. Je fais une petite digression sur la révolution copernicienne parce que là, il serait bien le premier qui a parlé. Je ne sais pas qui c'était dans la compilation. Je peux vous dire ça. Non, mais c'est pas grave. Mais il aurait dû lire Copernic avant de parler. Sur Galilée. Galilée, mais Copernic. Alors, en général, là, le problème est assez délicat. L'histoire classique dit Copernic est le point de départ de la science moderne. Bon, alors ça, il suffit d'ouvrir le De Revolutionibus de Copernic pour savoir que c'est faux. Et c'est là que l'on va comprendre en quoi il y a une révolution scientifique, ou du moins une conception complètement différente de l'idée de nature. Qu'est-ce que fait Copernic ? Je serai bref, vous inquiétez pas. Allez-y, prenez votre temps. On est... Non, parce que c'est très compliqué, mais on peut faire bref. Copernic est un homme du De Revolutionibus est publié en 1543. Et alors, qu'est-ce qu'il y fait dedans exactement? Pourquoi ce type, au fin fond de sa Pologne, tout d'un coup, dit « on va ôter la Terre du centre du monde et on va mettre le Soleil à sa place et envoyer la Terre dans les cieux ». Mais ça, c'est une folie. C'est une folie. Alors, pourquoi le fait-il? Il le fait pour des raisons. Alors, il y a un petit background historique sur lequel je ne reviendrai pas, mais il le fait pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec celles que vous pensez qu'il a. Il n'y a pas de raison astronomique, parce que sinon il ne l'aurait pas fait. Ça fait des milliers d'années que l'on pense que ce n'est pas comme ça, et en fin de compte, ça ne peut pas être comme ça, parce qu'il y a la Terre au centre, qui est le lieu de la corruption et du sensible, et puis le monde qui entoure, qui est le monde de l'intelligible et de la perfection. Alors, pourquoi fait-il ça? Alors, il fait ça pour des raisons très, disons, pas simples, mais pour deux raisons. D'une part, il considère, et c'est ça qui est le premier point, que la Terre est une sphère parfaite. Une sphère parfaite. Bon, il est clair que quand vous promenez, vous voyez des montagnes, donc c'est pas une sphère parfaite. Il dit, oui, mais du point de vue de l'intelligible, elle est parfaite. Donc la Terre est à la fois intelligible et sensible. Donc elle est parfaite. sous le rapport de la perfection de sa sphéricité. Quatre chapitres sont consacrés à la perfection de la sphéricité. Si la Terre est parfaitement sphérique, alors elle est comme les astres. Et en ce sens, d'une part, elle est belle, puisqu'elle est parfaitement sphérique, et d'autre part, elle doit rejoindre son lieu naturel, qui n'est pas le centre là, mais les autres astres. C'est-à-dire qu'il pense, mais ça c'est dans une perspective chrétienne de l'unité des contraires, que la Terre, à la fois intelligible et sensible, doit être parmi les astres, et être un astre parmi les astres. D'ailleurs, il précise que, contrairement à ce que l'on critique d'habitude en disant « si la Terre se met à tourner, comme il est normal qu'un astre sphérique tourne, eh bien, elle va exploser ». Ça va de soi, puisque c'est ce qui se passe sur... Il a dit non. Puisqu'elle est intelligible, elle n'explose pas. Mais puisqu'elle est aussi sensible, nous avons des expériences à faire sur Terre. Donc la Terre a cette double propriété. Ça n'a rien à voir avec ce que fera Galilée. Galilée, qu'est-ce qu'il dit, Galilée ? Galilée, alors vous voyez, on est dans un univers qui est néo-platonicien, puisque Copernic est un néo-platonicien. On est donc là-dedans. Et qu'est-ce que va faire Galilée, lui qui est un ingénieur italien de la fin du XVIe siècle, dit « De ce système de Copernic, je peux faire une machine. » C'est-à-dire que, pourquoi je peux faire une machine ? Parce qu'il suffit que je dise que les astres de Copernic ne sont pas des astres, mais des terres, c'est-à-dire des objets purement terrestres. À ce moment-là, le système de Copernic peut devenir une machine. Nous entrons dans le monde de la mécanique et dans une nature totalement différente de celle d'avant. Et c'est très clair sur un seul point, c'est qu'avant, Dieu, parce que n'oubliez jamais Dieu dans les affaires de science, c'est central. Dieu était omniprésent dans la construction copernicienne, dans la machine galiléenne, qui deviendra la machine du XVIIe, XVIIIe, XIXe, dans la machine galiléenne, Dieu est rejeté à l'extérieur. Dieu n'est pas dans une machine. Dieu devient le grand horloger du XVIIIe siècle. On a donc là une rupture, mais une rupture radicale. C'est-à-dire, c'est pas une révolution, c'est la manière d'être au monde des hommes qui n'est plus la même. Justement, comme vous dites, Michel Blais, je pense que il faut voir aussi, là, je vais jouer l'avocat, encore une fois, des ruptures épistémologiques, quand même, parce que il y a à chaque fois, enfin, j'y vais à la grosse un peu, mais il y a une remise en cause de la religion à chaque fois dans ces grandes révolutions. Enfin, vous venez de parler de Galilée. Évidemment, la révolution, si on les prend chronologiquement, j'en cite une qu'on oublie parfois un petit peu, qui est la révolution de la géologie de Lyell 1820-1830, c'est-à-dire que c'est sur l'âge, sur la formation de la Terre, comment les couches s'entassent petit à petit, et ce n'est pas une catastrophe comme le déluge ou thèse qui était défendue par des Cuvier, etc., encore assez longtemps, et avec des arguments scientifiques. Donc ça, c'est une autre révolution, on va dire, qui remet en cause aussi une conception, une croyance, une conception religieuse du monde. Hein. La cosmologie, la relativité d'Einstein, avec la cosmologie qui va en découler, elle aussi remet en cause une forme de religion. Et Darwin, pour revenir un petit peu en arrière, bien évidemment, alors là, lui, ça touche à l'origine de l'homme. Et donc, toutes ces révolutions scientifiques, en tout cas celles que je viens d'énoncer, et on met encore une fois le terme révolution entre guillemets, mais on a choisi que ce soit notre grille d'analyse, donc ont trait à la religion et remettent en cause, font reculer, c'est vrai, la religion. Et d'ailleurs, ça sera un grand reproche qui sera fait au darwinisme par les religions, toutes les religions en quelque sorte. Hein. Donc, je pense qu'il faut avoir ça en tête aussi, vous avez raison, sur le fait, sur ce qu'on peut appeler une révolution qui va largement au-delà de la science, finalement. Hein, donc, vous êtes d'accord, en tout cas, pour dire, comme Michel Blais, que cette... cette bascule que vient de décrire Michel Blais, outre la fin de l'héliocentrisme, le début de l'héliocentrisme, la fin du géocentrisme, et la mécanisation, donc le rejet de Dieu à l'extérieur d'une mécanique astrologique, disons-la, appelons-la comme ça, que c'est ce changement-là qui fait qu'effectivement, cette révolution-là, ce changement-là est la mère de, ou le père de tous les autres changements. Oui, oui, bien sûr. Enfin, c'est ce qui peut faire qualifier ces révolutions, toutes ces révolutions qui ont trait à une forme de genèse, d'explication des débuts, que ce soit de la Terre pour la géologie, de l'espace pour la relativité, de l'homme pour Darwin, et de l'espace aussi pour Galilée. Donc, en effet, ça touche à nos origines, en fait. C'est comme ça qu'on peut les qualifier. Une révolution. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Chanson Revolution des Beatles pour évoquer les révolutions scientifiques, la notion de continuité ou de discontinuité dans l'histoire des sciences, puisque c'est notre thème aujourd'hui pour cette émission spéciale en direct des rendez-vous de l'histoire à Blois, une émission que nous passons avec Michel Blay, qui est philosophe, historien des sciences, directeur de recherche émérite au CNRS et auteur de critiques de l'histoire des sciences au CNRS Édition, et Alexandre Moati, qui est chercheur associé en histoire des sciences au laboratoire Sphère de l'Université Paris Diderot et ingénieur en chef des mines. Alors, on a évoqué cette révolution copernicienne. D'ailleurs, peut-être, alors, n'y voyez aucune malice de ma part, mais révolution copernicienne, vous me corrigerez si je me trompe, c'est un terme, c'est Emmanuel Kant qui pose ces termes-là. Aujourd'hui, on voit bien que cette expression s'est lexicalisée, que c'est devenu un topos, et qu'on parle à tout bout de champ de révolution copernicienne. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que ça vous inspire, Michel Blay ? Ça m'inspire que c'est le vrai problème. C'est un peu ce que j'ai rappelé tout à l'heure. La révolution copernicienne n'est pas la révolution de Copernic. Elle est la révolution... Copernic fait quelque chose. C'est un aboutissement, finalement, de l'ordre théologique de l'époque médiévale. Là-dessus, il faudrait parler de ça, mais c'est autre chose. Et Galilée transforme cela. Donc, ce n'est pas une révolution, on pourrait dire, copernico-galiléenne, sauf qu'on passe d'un monde à un autre monde. C'est-à-dire d'une... Si vous voulez, à l'époque médiévale, on vit d'une certaine manière dans ce monde, dans cette nature. Et Copernic, il en fait partie absolument. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, entre le geste... Et puis, il y a Giordano Bruno aussi. Et Tycho Brahe. Et Tycho Brahe. Mais Giordano Bruno, c'est encore plus intéressant, parce que Giordano Bruno, avec sa question de l'infini, on dit « Oh, il a introduit l'infini ». Non, pas du tout. Il a supprimé le rôle médiateur du Christ, puisqu'il ne croit pas à l'incarnation. Et qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'écart entre Dieu et le monde, et il est panthéiste. Ce qui lui vaudra d'être C'est-à-dire qu'on a un panthéisme qui apparaît avec Bruno, ça lui vaudra le bûcher, ça c'est normal, il ne faut pas exagérer quand même, il y a des limites aux bonnes choses. Faut pas, bon. Donc c'est là. Donc vous voyez, vous avez des choses extrêmement compliquées qui se jouent à ce moment-là. Et son panthéisme reviendra avec Spinoza, d'une autre manière. Spinoza est un panthéiste, la substance, Dieu est la substance, donc c'est du panthéisme. Peut-être, Alexandre, en complément de ce que vous venez de dire et ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ça bouscule la religion, finalement, ces révolutions scientifiques, celles qu'on a citées tout à l'heure, bousculent l'entendement humain aussi. Non seulement elles perturbent l'homme dans ses croyances, mais elles bousculent l'entendement humain en ce sens qu'elles ne sont pas faciles à conceptualiser, hein, me semble-t-il. Donc, c'est par exemple, la mécanique quantique, elle s'occupe de dimensions très réduites. Comment peut-on comprendre qu'on ne peut pas mesurer la vitesse et la position d'une particule en même temps, c'est parce qu'on est dans des échelles très réduites, c'est le principe d'Heisenberg, et on ne peut pas le faire. Donc la relativité, elle se déroule, enfin, elle n'est compréhensible qu'à des échelons, des échelles de vitesse très très grandes, si vous voulez. Le darwinisme, alors on peut voir de l'évolution sur des protozoaires, etc., mais pour un homme, voir l'effet de l'évolution, c'est sur des échelles de temps très importantes. Donc ces théories qui structurent la science d'aujourd'hui, elles sont vraiment difficiles à l'entendement. C'est ça qui peut les qualifier de révolutionnaires aussi, parce qu'elles ne sont pas faciles à comprendre, finalement. Et est-ce qu'on peut, pour faire un petit retour en arrière rapide sur notre première partie un peu plus générale, et avant de dérouler les autres grandes révolutions scientifiques ou changements paradigmatiques, est-ce qu'on peut tomber d'accord peut-être sur le fait que, dans tous les cas, ce qui pourrait les unir, c'est ce que j'appellerais un effet diode, c'est-à-dire qu'une fois que ces théories ont été formulées, que ces observations ont été acceptées, il devient impossible de revenir en arrière. Michel Blais. Alors, j'ai deux ou trois remarques à faire. D'abord, le continuisme, je pense qu'il y en a un, mais il n'est pas celui que l'on pense. Il y a quelque chose qui est apparu avec les Grecs et qui continue aujourd'hui en mécanique quantique. On pourrait faire remonter aux Mésopotamiens. Non, pas du tout. C'est l'ordre démonstratif. D'accord. Ah oui, d'accord. L'ordre démonstratif Euclide, l'ordre démonstratif qui est l'ordre qui consiste à mettre un savoir en ordre. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre science et savoir, comme d'aucuns le font un peu abusivement. Donc, la science, c'est mettre en ordre déductivement un savoir. Axiome, concept, principe, mode de raisonnement ou calcul qu'on va utiliser. Ça, c'est un continuum. Parce que c'est chez Euclide, c'est au Moyen-Âge, c'est la théologie rationnelle, c'est chez Galilée, c'est les Principia de Newton, c'est la mécanique analytique, c'est Dirac, c'est tout le monde. C'est-à-dire, l'idée d'organisation déductive du savoir est un continuum. Ce qui n'est pas un continuum, ce sont les concepts qui sont mis en ordre par cet ordre déductif. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes. Copernic, c'est déductif ce qu'il écrit. Mais ce n'est pas le déductif, le même concept que Galilée. Mais nous avons quelque chose d'unifiant, disons, dans la pensée occidentale au sens large, c'est-à-dire tout le bassin méditerranéen, tout ça, l'islam fait pareil, à la zen, c'est déductif. C'est ça, c'est cet ordre déductif qui traverse toutes les millénaires. Ça, c'est le continuum. Le reste n'est plus continuum. Alors, je ferai une petite remarque par rapport à ce qui a été dit, mais c'est l'intuition des objets de la mécanique quantique. On ne l'a pas. Ça, c'est... Mais on n'a pas non plus l'intuition du point matériel de Newton. Si quelqu'un a une intuition du point matériel de Newton, même de l'attraction, qu'il se lève, voilà, même de l'attraction. Donc, il ne faut pas exagérer la simplicité de la mécanique rationnelle et la complexité de la mécanique quantique. Nous sommes dans des objets non intuitifs dans tous les cas. Allez-y, Alexandre. Contre ce que j'ai dit tout à l'heure, je cite de mémoire, le bon sens n'est pas scientifique. Enfin, donc, ce que je disais tout à l'heure doit être tempéré par ce que. Mais pour cet effet diode, moi, je partage assez ce que vous dites, c'est-à-dire que il y a quand même jusqu'à ce qu'une théorie scientifique en remplace une autre. Quand la première est admise, finalement. évidemment, hein, comme disait Planck, là, il y a un effet diode, ça c'est certain. Sauf dans le cas, mais alors on n'est plus dans le monde scientifique, où on recrée, bah, contre Darwin, on va créer le créationnisme, etc. Et d'ailleurs, c'est intéressant en historiographie de regarder aussi comment on peut relire des auteurs. Je parlais de Cuvier tout à l'heure, le biologiste contemporain, le Guyader, parle d'un autre géologue qui s'appelle Dorbini, qui classe, qui lui est fixiste aussi, il n'est pas pour l'évolution, enfin ça ne rentre pas du tout dans son schéma de pensée, et il découvre, il interprète comme action divine, et il trouve 30 couches, 30 époques géologiques, et le Guyader dit à juste titre, qu'est-ce qui fait que comment trouve-t-il ces couches géologiques qui sont finalement à peu près les bonnes, pourquoi les attribue-t-il à l'intervention divine, c'est particulier, alors qu'il a tout bon, quoi. Donc si vous voulez, voilà, à l'époque, on est dans un certain schéma de pensée. Quand on remet en cause une théorie après cet effet diode, on sort du champ scientifique, ça c'est certain. Donc. Ce que vous venez de dire m'évoque autre chose. C'est une citation d'Antonella Romano qui disait précisément à propos de la notion de révolution scientifique, il ne faut pas confondre histoire et historiographie quand on tente de parler de révolution scientifique. La notion de révolution scientifique est une catégorie historiographique apparue à un moment très particulier et diffusée par des auteurs dont le regard et l'intérêt ne sont plus forcément les nôtres. Vous êtes d'accord avec ça, Michel Blais ? Ben, vous savez que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de révolution scientifique. Donc, a priori, je ne suis pas avec ça. Sauf qu'il faut faire quand même attention à ce que l'on dit. Parce qu'on risque de confondre les choses quand même. Là, quand j'ai insisté sur l'ordre déductif, j'ai défini ce qu'on appelle science. C'est l'ordre déductif. Donc, il faut faire attention à ce que l'on met derrière tout ça. Et là, il y a des risques aussi de confondre technique et technique. Hein, c'est la technique du 15e, 16e, c'est pas la technique du 18e siècle. Donc c'est pas la même chose. Le rapport au monde n'est pas le même. Je vais juste faire une petite remarque parce qu'on en a parlé et je crois qu'on va en reparler. C'est science et religion. C'est une thématique à la mode, mais c'est une thématique qui, je crois, n'existe pas non plus. Elle n'existe pas parce que le problème de la science, c'est très simple, c'est d'étudier des faits d'aubaine, disons. Voilà, le monde qui nous entoure. La religion a à voir avec autre chose que la science, c'est-à-dire avec la métaphysique, c'est-à-dire la pensée de la totalité. Donc, si on veut critiquer la science, la religion, on se place du côté de la métaphysique et de la totalité. Alors, soit on pense qu'il y a une transcendance, on va du côté de la religion, soit on pense qu'il n'y a pas de transcendance et on a une totalité. Mais il n'est pas question, dans un cas comme dans l'autre, des phénomènes scientifiques et des lois de la nature. Voilà. J'aimerais qu'on ait bien faire attention à ça parce que c'est les deux et on a tendance à mettre les deux en contradiction. Les deux sont en contradiction au 19e siècle. C'est le seul moment où ils le sont vraiment parce que c'est des jeux de pouvoir. Voilà, c'est essentiellement ça, c'est tout. Il y a le pouvoir religieux et le pouvoir de la science. Avant non. On a longuement parlé de cette révolution copernico-galinéenne. J'aimerais qu'on examine un peu les autres, puisque vous l'avez dit, l'un et l'autre, elles ne sont pas égales, elles ne sont pas superposables, et elles diffèrent même énormément dans leur nature. Pour parler de la... Alors, on va partir sur un corpus de quatre grandes révolutions, si on ajoute la révolution que je veux évoquer après, celle de Lavoisier dans le domaine de la chimie. Enfin, c'est une révolution, là aussi, à large spectre, hein, puisqu'elle va de la chimie de Lavoisier jusqu'à la thermodynamique. Qu'en pensez-vous ? On bascule là, hein, avec Copernic et Galilée, on est dans une révolution théorique ou dans un changement paradigmatique théorique. Là, on arrive dans un domaine totalement empirique et c'est effectivement une autre envergure, Alexandre Moati. Oui, alors c'est vraiment ce qu'on en revient encore une fois à Bachelard. Et donc, c'est la formation de l'esprit scientifique, hein, c'est-à-dire que on est frappé, alors Michel Blais sera peut-être pas d'accord, mais quand on lit des textes du 18e, et vous avez étudié mieux que moi d'ailleurs Marat, parce que le révolutionnaire Marat se prétend scientifique, se prétend physicien contre Newton. Moi j'estime qu'il va contester Newton là où Newton aura raison finalement, où l'histoire lui donnera raison, c'est-à-dire sur la diffraction par le prisme. Et il va s'engouffrer là où Newton, l'histoire donnera tort à Newton, il va s'engouffrer en accentuant les erreurs de de Newton. Donc chez Marat, c'est assez particulier. Donc quand on lit, mais vous en parlez mieux que moi, Michel Blais, quand on lit Marat ou d'autres auteurs du XVIIIe siècle, on est frappé d'un discours. Bachelard appelle ça. Alors Bachelard, il a tendance à... Enfin, moi, j'aime bien ce qu'il écrit, donc je le dis. Donc il parle d'un besoin de vague, comme si l'imprécision critiquant la précision. Hein, Marat critiquant Newton, c'est l'imprécision critiquant la précision et sans targant, en quelque sorte. Hein, donc voilà, si vous voulez, donc il y a cette... et il y a plusieurs auteurs qui vont dans le même sens. Il n'y a pas que Bachelard. L'historien des sciences Molella, américain Molella, parle d'une science romantique, enfin, de manière un peu... Je vous ai dit, Robert Danton, qui est un écrivain, enfin, un historien, je veux dire, de la littérature, parle d'une bohème littéraire, et on peut vraiment parler d'une bohème scientifique. Et il y a, une formalisation, c'est cette formation de l'esprit scientifique, une formalisation qui se fait... D'abord avec la chimie, en effet, c'est d'ailleurs passionnant de voir comment ils tâtonnent, hein, les écrits de Gay-Lussac aussi, peu de temps après, de voir, on mélange les termes encore, atomes et molécules, c'est-à-dire c'est des textes qui sont pas faciles à lire d'ailleurs, parce que pour un lecteur contemporain, il y a une espèce de décalage, hein, mais donc il y a un tâtonnement, mais on voit qu'on va vers une précision et on décrit les choses autrement que par ces métaphores du XVIIIe siècle. La plus connue, Bachelard s'en est beaucoup moqué, la métaphore de l'éponge dont le caractère est d'être spongieuse en quelque sorte. Enfin, bon, il exagère un petit peu et moi je le résume vraiment beaucoup là, mais c'est un petit peu ça. Donc, bon, j'accentue le décalage là, si vous voulez, mais je pense que on peut parler de voilà ce que Bachelard en tout cas entend par la formation de l'esprit scientifique à ce moment-là. Michel Blais, j'aimerais vous faire réagir aussi sur quelque chose dont on parlait juste avant l'émission et je disais que j'avais un peu dévoilé mes cartes, mais qui me paraît tout de même important, on parle de ces grandes révolutions, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'effectivement, et ça plaiderait plutôt pour une théorie continuiste ou pour un continuum, d'une forme de révolution à bas bruit ou de révolution qui ne disent pas leur nom et qui sont pourtant absolument essentielles aux grandes révolutions, et je pense notamment évidemment à l'électromagnétisme de Maxwell et à l'unification de l'électromagnétisme de Maxwell qui est indispensable pour la suite de la science contemporaine, de la science moderne. C'est incontestable, mais elle se situe, si on regarde comment Maxwell a travaillé, il a travaillé à partir de modèles mécaniques. Tourbillonnaire. Donc on se situe dans une pensée, disons, extrêmement mécanique qui permet de résoudre les problèmes de l'électrodynamique. Mais la constitution des équations de Maxwell est effectivement quelque chose... Mais c'est, si vous voulez, si révolution il y a, la révolution maxwellienne, c'est d'abord la révolution du concept de champ qui est introduit au début du 19e siècle via l'électricité, via aussi la mécanique. Je pense que c'est le concept de champ qui effectivement transforme l'idée strictement mécanique des 17e, 18e. Alors là, je voudrais quand même revenir sur un point. Je conseille à tout à chacun, du point de vue de la science romantique ou autre, Marat, ça c'est autre chose, mais d'aller lire les Bernoulli, d'aller lire Euler et d'aller lire tous ces gens-là. C'est de la mathématique et de la mécanique extraordinairement difficile. Je défie qui que ce soit et parfaitement formalisé. C'est-à-dire que là, Bachelard veut faire passer son affaire. Et là, il exagère. Ouais, il les a pas lus. Sa fille, Suzanne, les lira et elle fera un livre sur la conscience de rationalité qui précisément porte sur les travaux du 18e et du 19e siècle. Et elle est en contradiction avec son père, parce que là, dans ses travaux du 18e siècle, mécanique, je dis bien de physique mathématique, il y a une conscience de rationalité, la volonté de construire un champ physico-mathématique remarquable. Bon, l'aboutissement, c'est la mécanique analytique de Lagrange et la mécanique de Laplace. On ne peut pas... Or, ces deux mécaniques, cette affaire-là va donner la mécanique d'Hamilton-Jacobi au début du 19e siècle, qui sera l'ordre mathématique, y compris pour la mécanique quantique. Donc, le formalisme du 18e siècle, pitié, il existe. Et c'est même une physique mathématique très, très compliquée. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il nous reste une dizaine de minutes pour continuer à examiner cette notion de révolution paradigmatique, de changement, de transformation, de discontinuité dans l'histoire des sciences. Il faut évidemment, on ne peut pas arriver à la modernité sans parler d'Einstein, avec évidemment d'Einstein en tout cas de cette dernière grande révolution théorique et conceptuelle que constitue d'une part la relativité générale et d'autre part la mécanique quantique. Peut-être vous lancer ou vous poser la question en tout cas de l'accélération du temps qui commence au début du XXe siècle. Quand on parle de révolution copernico-galiléenne, on est sur des révolutions qui s'étirent sur plus d'un siècle. Et là, on voit que là, il y a une bascule qui se fait en une dizaine d'années, en une vingtaine d'années, Alexandre Moati. On a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage de l'accélération du temps scientifique. Oui, en même temps que l'accélération du temps tout court, peut-être. Oui, c'est frappant de voir comment ce qu'on a appelé l'annus mirabilis d'Einstein, 1905, pose un pavé dans la mare. Bon, encore une fois, je ne veux pas magnifier ni glorifier tout ça, mais enfin, bon, faut regarder quand même objectivement les choses. Et comment ça réagit dans le monde scientifique, hein. Donc, il est vrai que là, il y a une certaine réticence. Bon, j'avais dit tout à l'heure qu'on mesurait aussi le poids d'une révolution scientifique, on pouvait le mesurer à sa trace, je disais, une pierre dans un lac, aux ondes qu'elle peut faire et aux problèmes que ça peut créer. Et finalement, c'est un bon critère. Ça pourrait être un critère de révolution scientifique. Donc là, si vous voulez, il va y avoir le corps scientifique va être très très réticent, hein. Donc, par exemple, on va avoir des critiques. Enfin, pourquoi est-il réticent? Parce que c'est très mathématisé. La relativité, c'est quelque chose, surtout la relativité générale, de très mathématisé. Ça va être accusé d'être trop abstrait. Après, vous avez d'autres critiques du type trop international, mais enfin, là, on rentre dans des choses différentes. Mais si on reste sur le plan scientifique, donc trop abstrait, trop mathématique, il y a des grands scientifiques comme Duhem, qui est un philosophe chimiste, qui va critiquer ce qu'il appelle une science allemande, hein, vous voyez, donc dont la relativité ferait partie, mais donc contre une science française qui aurait l'esprit de finesse pascalien, contre l'esprit de géométrie, c'est-à-dire un esprit bête et méchant, l'architecte français contre le maçon allemand, vous voyez donc des images, mais sous la plume de Duhem, hein, en pleine Première Guerre mondiale, faut un peu relativiser aussi, bien sûr, hein. Mais enfin, il y avait une guerre des savants aussi, hein. Donc, tout ça pour dire que il y avait ces reproches faits à la relativité, qui est encore une fois un pavé dans la mare, et aussi le fait qu'il n'y a pas d'application pratique, quoi. C'est la contradiction entre le pouvoir prédictif, hein, on vient d'avoir un Nobel pour les ondes gravitationnelles, là. Le pouvoir prédictif de la théorie et de l'esprit d'Einstein aussi, il faut bien dire, sur le laser 1918, les ondes gravitationnelles 1920, tout ça, c'est dans sa tête que ça se passe. C'est un pouvoir prédictif, le laser en mécanique quantique, l'émission laser, pour être précis, les ondes gravitationnelles en relativité. Le contraste qu'il peut y avoir entre ce qui est le pouvoir prédictif d'une théorie révolutionnaire et le fait qu'elle n'ait pas d'application immédiate du tout. Et ça, c'est ça aussi qui va être très frappant. On peut dire, avec l'historien des sciences Eisenstadt, que la relativité de 1920 à 1960, elle est à l'étiage. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que les physiciens ne choisissent même pas la relativité. Ils vont vers la mécanique quantique, où là, il y a des résultats expérimentaux extraordinaires. Et c'est à l'étiage. Et il faut attendre la conquête de l'espace en 1960 pour avoir les premières utilisations de la relativité. Ce que je disais tout à l'heure sur les grandes vitesses. Hein. Donc, voilà, il y a des auteurs qui qualifient la relativité générale de boîte à outils de l'astrophysique. Le fait que le GPS utilise une correction de relativité restreinte et une autre correction de relativité générale qui sont toutes les deux indépendantes, bien sûr, évidemment, puisque c'est deux théories différentes et qui jouent dans un sens contraire. Il y en a une, c'est une correction en moins, l'autre une correction en plus. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses assez concrètes, mais qui n'existent pas en 1915 et qui vont être très longues à mettre en évidence. Donc, c'est ce contraste-là qu'il est intéressant de voir. Mais Michel Blais, sur cette question, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en 2017, ça fait 100 ans que le dernier basculement paradigmatique dans l'histoire des sciences s'est produit, c'est-à-dire que depuis la relativité générale, depuis la mécanique quantique, on n'a plus du tout à faire à des modifications paradigmatiques de corpus de cette envergure-là? Oui, je le pense, à la période, disons, plus tard, 1920-1930, pour la mécanique quantique. C'est vrai que depuis, d'ailleurs, Jean-Marc Libébelon le fait remarquer, mais peut-être ne s'intéresse-t-on pas, de fait, à questionner un petit peu les théories déjà en marche. C'est-à-dire que c'est ça. Est-ce qu'on n'est pas actuellement dans l'utilisation, de ce que l'on a fait, parce que l'essentiel de nos techniques d'aujourd'hui, l'essentiel de ce que l'on met en place aujourd'hui, c'est de la mécanique quantique, en fait. C'est des résultats des années 30. Et là, il s'est passé quelque chose de nouveau quant à la saisie du très petit. Depuis, non. Alors, il y a beaucoup de choses. On nous fait croire qu'il y a des choses continuelles. Mais ce ne sont pas des transformations aussi. Il n'y a pas de révolution. Remployons le mot pour nous faire plaisir. Il n'y a pas de révolution au sens où celle dont on a parlé l'un comme l'autre. Alors, Alexandre Moati disait effectivement, au début, la relativité générale, surtout la relativité générale, puis la mécanique quantique, n'ont pas d'application immédiate. Ce sont des révolutions, des bascules conceptuelles. À l'inverse, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de révolutions techniques, technologiques qui ont concrètement transformé et bouleversé notre rapport au quotidien, aux sciences, à l'information et au savoir. Est-ce que l'ensemble de ces techniques, on parle évidemment de la révolution numérique, on parle de la révolution de l'édition génétique, du big data, des mégadonnées qui nous permettent d'avoir une approche scientifique complètement différente en manipulant des quantités d'informations qui étaient jusque-là non manipulables, cet ensemble, qui est un ensemble paradigmatique aussi, concret, empirique, est-ce qu'on peut le qualifier de révolution ? Alors là, je jouerais plutôt le relativiste, là. Mais peut-être qu'on est forcément relativiste, enfin que certaines personnes sont relativistes pour leur époque et pas pour le passé. Je dirais que c'est assez fascinant de voir comment, dans l'histoire des idées, notamment au XXe siècle, ces révolutions, on va dire scientifiques, techniques plutôt, pour être précis, sont utilisées dans un discours politique. Quoi. Donc actuellement, rebat les oreilles d'une révolution numérique. Mm-hmm. Mais moi, je travaille sur les années 60. Je vais vous citer deux, trois trucs rapidement. Vous avez la même exaltation de la révolution cybernétique. Hein. Vous avez un polytechnicien qui s'appelle Louis Armand, qui était patron de la SNCF, qui écrit « Tout se planétarise ». Vous voyez donc que tout se mondialise. C'est pareil. Les sociétés internationales seront favorisées par le traitement cybernétique des informations. Enfin, c'est 1964, quoi. Donc, on croit à lire des choses d'aujourd'hui. À l'inverse, vous avez Raoul Vaneghem, un situationniste qui est critique, on fête le 50e anniversaire du traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, et qui va parler de la canaille cybernéticienne contre les chiens de garde du futur. Enfin, des assez belles expressions, je travaille là-dessus en ce moment. Et donc, vous voyez, là, je suis relativiste au sens où, quand on étudie un petit peu, là je fais de l'historiographie, on a tendance à relativiser cette notion de révolution numérique et de voir que ça a été enrôlé dans des discours très fréquemment. Hein. Actuellement, en tout cas. Pour conclure, on va prendre, il nous reste quelques minutes, une question rapide de quelqu'un dans le public. Bonjour monsieur. Bonjour, est-ce que vous pensez que, par exemple, effectivement, dans la suite du cybernétique, là, une intelligence artificielle qui utiliserait la méthode scientifique, ça pourrait être pour le coup une vraie révolution, ou est-ce que c'est vraiment le propre de l'homme que d'utiliser cette méthode scientifique et... Est-ce que la prochaine révolution sera le fait d'une entité numérique non corporelle, Michel Blais? Moi, je poserai simplement la question. Faisons un peu de projectivisme. C'est quoi la méthode scientifique? C'est l'émission à laquelle vous pouvez collaborer depuis une heure. Mais l'émission, je sais ce que c'est. Mais la méthode en elle-même, si on a vu une méthode scientifique effective, on l'appliquerait. Mais personne n'applique de méthode scientifique. Il y a un certain nombre de pratiques diverses et multiples que l'on essaye de codifier, et la codification, c'est celle de Newton dans le traité dans l'optique. Donc, du point de vue d'une intelligence artificielle, si on lui met la méthode scientifique telle qu'on la codifie, observer, faire des expériences et patati patata, eh bien, je suis rassuré, elle ne trouvera rien. Moi, dans votre question, elle portait deux parties. Moi, je garde la méthode scientifique et j'allais répondre, c'est quoi l'intelligence artificielle? Donc, on remet en cause vos deux réponses. Entièrement. Pour conclure, peut-être, faisons justement un peu de projection ou de projectivisme. Quelle est la prochaine révolution à venir? Est-ce qu'il y a encore? Est-ce que l'homme, est-ce que la pensée, les sciences sont encore aujourd'hui capables de produire des révolutions théoriques de l'ampleur de celle d'Einstein, de Copernic, de Darwin? En un mot, Michel Blais. Ah ben, en un mot, c'est très simple, à partir du moment où on sera capable d'avoir une nouvelle conception de la nature. C'est les seuls moments pour lesquels il y a eu une révolution scientifique qui s'est faite. Alexandre Moati ? Je dirais oui, mais ce n'est pas forcément dans ce qu'on entend rebattu toujours en permanence à l'heure actuelle, le transhumanisme, etc. Elle se situe peut-être à des niveaux différents. Voilà. Oui, le transhumanisme. Voilà, eh bien, on terminera sur ce pfou de Michel Blais sur le transhumanisme. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Michel Blais, Alexandre Moati, Michel Blais, je rappelle, hein, cette œuvre au 7RS Édition, votre dernier ouvrage critique de l'histoire des sciences que l'on peut se procurer. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Merci aux équipes techniques ici à Blois. Merci aux équipes des Rendez-vous de l'Histoire. Merci aux équipes techniques, donc ici, Alexandre Abergel, pardon, Alexandre James et Frédéric Kérou. Retour à Paris dans quelques instants pour le dernier épisode de la série documentaire de la semaine signé Raphaël Kraft et Guillaume Baldi, La liberté au prix du mensonge, qui est consacré aux demandeurs d'asile. Puis, dans un peu plus d'une heure après le journal, le grain à moudre se posera la question, le bac pro tiendra-t-il toujours ses promesses avec Hervé Gardet? Ce sera aux alentours de 18h20. Pour ce qui nous concerne, eh bien, demain, retour à Paris, donc pour un vendredi fiction, nous demanderons si les androïdes rêvent toujours de moutons électriques en 2049, puisque nous parlerons de Blade Runner, de la nouvelle de Philip K. Dick, bien sûr, au nouveau film de Denis Villeneuve, en passant bien entendu par le chef-d'œuvre original de Ridley Scott. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.